waa bi nag benn nouveau riche la woon quoi, xam nga bu raaw nag nonchalant affaire yi, xamaa rek sama gaay bu ñu amee million ak ay milliards quoi. Ma waaja nag léegi ne day tabax étage comme ñëpp sa waaye nag woo maçon quoi, ne ko xolal kañ dem chantier. Ñu dem chantier, waaye ne maçon bi mais xolal xam lu ñuy defa, vu que man ba mu bëri xaalis léegi bon damay tëb quoi. Su ma tëbee ñetti yoon rek benn chambre la. Maçon bi ne ko ok, suñu nouveau riche bi tëb benn ñaar ñett, maçon mi ne ko benn chambar. Sa waaji tëbaat benn ñaar ñett, maçon mi ne ko ñaari chambar. Waaye suñu nouveau riche bi tëbaat benn ñaar ñett, waaye rek doxo trr gestu. Xool maçon bi, maçon bi xool ko, maçon bi nandi dara nag, ne ko non grand, foofu salle de bain bi la, nandite lañu.